DJ Yesenos Remixer. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je me souviens du premier jour où je t'ai vu. La pluie tombait sur ton visage, tu m'as tellement plu. C'est fou comme aujourd'hui les temps ont changé. Oh yeah. J'ai beau dire que tout ça n'a plus d'importance, que j'ai oublié, mais j'avoue que parfois j'y repense. J'y repense quand le ciel se met à pleurer. Oh yeah. Car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Et tu m'as laissé sans penser aux conséquences. Et la page et j'essaie d'oublier. Oh yeah. Quand la pluie tombe, je repense à toi, à tous ces moments où je t'avais près de moi. Je veux que tu saches que sans toi ma vie n'a plus qu'un goût amer. Et quand la pluie tombe, je repense à nous. Je revois encore notre premier rendez-vous. Toi qui restes dans mon cœur, tu ne m'as laissé qu'un goût amer. Les jours ont passé, le temps s'éclaircit, puisque ton départ n'a laissé qu'un orage dans ma vie. C'est dur de se dire que tout est terminé. Oh yeah. J'ai beau dire que tout ça n'a plus d'importance, mais tout le monde autour de moi sait bien ce que je pense. Surtout quand le ciel se remet à pleurer. Oh yeah. Car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Et tu m'as laissé sans penser aux conséquences. Et je la page et j'essaie d'avancer. Oh yeah. Quand la pluie tombe, je repense à toi, à tous ces moments où je t'avais près de moi. Je veux que tu saches que sans toi ma vie n'a plus qu'un goût amer. Et quand la pluie tombe, je repense à nous. Je revois encore notre rendez-vous. Toi qui restes dans mon cœur, tu ne m'as laissé qu'un goût amer. Et quand la pluie tombe, je repense à toi. Et quand la pluie tombe, je repense à toi, à tous ces moments où je t'avais près de moi. Je veux que tu saches que sans toi ma vie n'a plus qu'un goût amer. Et quand la pluie tombe, je repense à nous. Je revois encore notre premier rendez-vous. Toi qui restes dans mon cœur, tu ne m'as laissé qu'un goût amer.